Réponse numéro 7. Elle signifie que l'on doit lui obéir dans ce qu'il a ordonné, croire à ceux dont il a informé, délaisser ceux qu'il a interdit et blâmé, et n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Source Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. المصدر الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب.